Bonjour. Vous avez donc atteint la dernière semaine du cours. Cette semaine, vous devrez vous préparer à l'examen. Les consignes sont données à l'onglet Guide de préparation à l'examen. Vous n'avez pas le droit à l'examen, à vos manuels ou à des documents imprimés. Par contre, vous écrire de votre main sur une feuille quelques notes que vous pourrez amener lors de l'examen. Tout le matériel couvert dans le cours, à l'exception de quelques éléments ayant été bien clairement identifiés comme étant optionnels, sont à l'examen. Les questions sont du même ordre que les activités d'auto-évaluation et les travaux que vous avez faits jusqu'à présent. On donne quelques exemples. Par exemple, on pourrait demander qu'est-ce qu'une métonymie, combien de DVD serait approximativement requis pour entreposer numériquement tous les livres d'histoire de l'humanité. Bon, ça, c'est des questions générales. On peut aussi demander des questions qui requièrent de la mathématique. Donc, calculer le score TDIDF, etc. Appliquer un algorithme de filtrage collaboratif, et ainsi de suite. Donc, vous devriez refaire le tour du cours, vous assurer que vous rappelez tout, préparer une feuille de notes, et puis, quand vous aurez fait ça, pour nous aider à améliorer le cours, nous vous demandons de répondre au questionnaire d'évaluation. C'est très important parce que on veut avoir votre opinion, parce que comme le cours est mis continuellement à jour de toute façon, il est très important qu'on puisse appliquer les corrections que vous pouvez imaginer, que vous pouvez entrevoir. Puis bon, en fait, si vous avez trouvé le cours génial, on aimerait bien entendu aussi le savoir. Et puis bon, si vous l'avez trouvé génial, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Sinon, ben, faites-nous part de vos plaintes finalement. Donc, bonne chance à l'examen. Et j'espère que vous avez bien aimé le cours INF 6460.